les mêmes idées que lui, et pourtant je me sens complice. Quand je le vois vivre sa vie, je suis bien le père de mon fils. Se faire un prénom quelquefois, ce n'est pas si facile à faire. Surtout quand on s'appelle comme moi, on dit c'est le fils de son père. Aujourd'hui, chantons ensemble la même chanson, une chanson bien française. Pour le plaisir, accordons nos violons, chantons la même chanson. Parce que nous avons tous les deux un métier qui nous rend heureux, plus heureux. Tu n'aimais qu'Elvis. Dans la rue, j'étais une idole, chez moi que le père de mon fils. Pourtant j'ai beau chanter 100 fois le tube extra, la chanson super, Papa Noël est toujours là, et je suis le fils de mon père. Aujourd'hui, chantons ensemble la même chanson, une chanson bien française. Pour le plaisir, accordons nos violons, chantons la même chanson. Parce que nous avons tous les deux un métier qui nous rend heureux, plus heureux de jour en jour, et qui nous tient. Mieux que l'amour, mieux que l'amour. Allez, viens, chantons ensemble la même chanson, une chanson bien française. Pour le plaisir, accordons nos violons, chantons la même chanson. Pour tous ceux qui nous aiment bien, tous ceux qui chantent nos refrains, tes amis qui te suivront, qui t'ont suivi toute la vie. Chantons ensemble la même chanson, une chanson bien française. Pour le plaisir, accordons nos violons, chantons la même chanson.